الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue notre cours. Aujourd'hui c'est le cours numéro 9 dans la lecture du livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. On était arrivé donc, on est toujours dans l'explication des événements qui se sont produits avant la bataille de Badr. Hein? Donc on explique le contexte de la bataille de Badr et qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là. Donc la semaine passée, on a parlé des différentes bannières qui avaient été séparées ce jour-là. Puis on a parlé de plusieurs points. Mais on va continuer, on n'a pas terminé d'expliquer. Donc, on était rendu ici. Il dit Amma Basbasu ibn Amr wa Adi ibn Abi Az-Zarba fa'innahuma warada ma'a badrin fasami'a jariyatan taqulu li sahibatiha ala taqdi dayni ala taqdini دين تقديني ديني فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك فصدقها مجدي بن عمرو فانطلق مقبلين لما سمع ويعقبهما أبو سفيان فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد فقال لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى فقال والله هذه علائف يثرب فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا. Donc là qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On avait expliqué au dernier cours que à la fin, on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé des, yani les sahabas ont trouvé deux hommes, hein, parmi les, qui faisaient partie des esclaves du groupe qui était avec l'armée de Quraysh. Puis, ils leur demandaient, est-ce qu'ils étaient avec Abu Sufyan ou bien avec Quraysh, avec l'armée de Quraysh? Et eux, les sahabas voulaient que ce soit, yani la caravane de Abu Sufyan. Donc, quand ils disaient que ils étaient avec l'armée de Quraysh, ils les frappaient. Et quand ils disaient qu'ils étaient avec Abu Sufyan, ils les laissaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à ce moment-là, il faisait la salat. Il leur a dit, quand il dit vrai, vous les frappez, et quand il vous mente, vous les laissez. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question. Combien ils sont? Hein, ils sont quel nombre de personnes? Ils ont dit, on ne sait pas. Ils ont dit, combien de chameaux ils égorgent tous les jours? Ils ont dit, 9, de 9 à 10. Hein, un jour 9, un jour 10. Il a dit, dans ce cas-là, ils sont entre 900 et 1000. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris par rapport à qu'est-ce qu'il sacrifiait, qu'est-ce qu'il égorgeait comme mouton. Comme chameau, il a compris combien ils étaient à peu près pour nourrir 1000 personnes, ça prenait à peu près ce nombre-là. Donc il a calculé pour chaque chameau à peu près 9 à 10 personnes. Donc, pas 9 à 10, peut-être 90 à 100 personnes. Donc ça faisait à peu près 1900 ou 1000 personnes. Ensuite, il dit qu'il y avait deux hommes. Basbas ibn Amr wa Adi ibn Abi Zarba, ils sont passés près d'un puits de Badr et ils ont entendu deux esclaves ou deux jeunes filles qui parlaient et une a dit à l'autre, remets-moi ma dette, la dette que tu me dois. Et l'autre a répondu, il y a une caravane qui va venir demain ou après-demain, je vais travailler pour eux et je te remettrai ce que je te dois. Alors, à ce moment-là, ils ont pris ça comme une information, ils ont dit, ah, ça veut dire que yani, la caravane va venir. Et de l'autre côté, lui, Abu Sufyan, il a rencontré, il a dit à Majdi ibn Amr, est-ce que tu as vu quelques-uns d'entre les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit-là? Hein? Il a dit non, j'ai vu personne, sauf deux cavaliers, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait exprès d'envoyer deux personnes parmi les sahaba qui ne sont pas connus, pour qu'ils ne soient pas reconnus justement quand ils vont aller espionner, voir qu'est-ce qui se passe. Alors quand ils sont arrivés les deux hommes, Abu Sufyan a demandé à quelqu'un, est-ce que vous avez vu des hommes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit-là, à Badr? Et ils ont dit non, juste deux hommes qui étaient là-bas comme ça. Alors Abu Sufyan est parti lui-même pour vérifier. Il a trouvé leur monture et il a vérifié dans un des sacs de leur monture, et ils ont trouvé des je sais pas si c'était des dattes ou quelque chose, des graines. Et quand il a vu ça, il a dit, ça c'est les dattes de Médine, ou les choses qui viennent de Médine. Alors il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas loin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté un autre chemin pour aller à Mecca. Il est passé par la côte. Au lieu de passer par Badr, il a pris un autre chemin et il est rentré sain et sauf à Mecca avec la caravane. Donc finalement, il a réussi à se sauver. Hein? Et une fois qu'il est arrivé à Mecca, et on a, comme j'avais expliqué au dernier cours, la caravane de Quraysh, elle était composée d'à peu près 1000 chameaux. Hein, c'était une caravane immense. Et une grosse quantité de biens. Donc, quand il est arrivé à Mecca, il a dit, ça y est, je suis arrivé. Il a envoyé un messager pour avertir Quraysh qu'ils peuvent revenir. Ça y est, je suis arrivé à Mecca, sain et sauf, la caravane est sauvée. Lorsqu'il dit وَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا فَأَبَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَرِدَ مَاءُ بَدْرٍ وَنُقِيمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَنَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتَضْرِبُ عَلَى رُؤُوسِنَا الْقِيَانَ وَتُهَابُنَا الْعَرَبُ أَبَدًا فَرَجَعَ الْأَخْنَسُ ابن شريق أو ابن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيركم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت ولم يشهد بدرا زهري إلا عمن مسلم بن عبيد إلا عما مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله والد الزهري فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين. Donc quand Quraysh ont entendu la nouvelle que Abu Sufyan était rentré à Mecca sain et sauf, et que il était rentré avec la caravane, et que il leur disait de revenir, Abu Jahl a dit non, on va pas retourner. Par Allah, on va pas retourner jusqu'à ce qu'on arrive au puits de Badr. On va rester 3 jours, on va boire de l'alcool et on va faire de la musique sur nos têtes. Et puis les Arabes, tous les Arabes vont entendre nos exploits et vont avoir peur de nous après ça. Et donc ils ont décidé de rester. C'est seulement Al-Akhnas ibn Shariq et sa tribu Bani Zuhra qui ont décidé de retourner, parce que eux ils ont dit, nous on était venus seulement parce que vous êtes sortis pour protéger votre caravane. étant donné que votre caravane elle est saine et sauf, nous on retourne. Alors ils sont retournés, excepté deux, Muslim ibn Ubaydillah et Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah. Et ces deux-là ont été tués mécréants ce jour-là. Il dit: Fabadara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh ila ma'i Badr wa nazala ala adna ma'in hunak. فقال له الحباب ابن المنذر ابن عمر يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ قال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله فنعوره نعوره وما وراءنا من القلب، ثم نبني عليه حوضا نملأه ونشرب ولا يشرب. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه. Donc il dit ensuite que qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé en premier vers les puits de Badr. Il est arrivé avant Quraysh. Et donc il s'est installé au dernier d'entre les puits. Et Al-Habbab ibn al-Mundhir lui a dit: Ô messager d'Allah, la place où tu t'es installé, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de te mettre à cet endroit-là, ou c'est parmi les ruses de la guerre et des stratégies que tu as décidé de nous installer ici? Alors il a dit: c'est par rapport à la stratégie de la guerre. Hein? Alors il a dit: dans ce cas-là, moi je te conseillerais plutôt de t'installer au dernier des puits. Comme ça, si Quraysh arrive, nous on va avoir accès au puits et à l'eau, et eux ils n'auront pas accès à l'eau et au puits. Et donc lorsqu'il va y avoir de la chaleur et qu'il va faire chaud, on va être avantagé sur le plan stratégique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé de cette stratégie, donc ils se sont organisés et installés de cette façon là et la nuit d'avant justement, ou cette nuit là il y a eu beaucoup de pluie, et ça a été un bien pour les musulmans. Toutefois, ça a été un tort pour les koufars et les mouchriquins, parce que quand il y a eu cette pluie-là, une grosse pluie, ça a fait que la terre a été plus ferme pour les musulmans. Et les musulmans ont pu également prendre des réserves d'eau et ainsi de suite. Et par contre, pour les mouchriquins, le sol où ils étaient, eux, ça a eu des effets mauvais pour eux. Et donc ça, c'était déjà un avantage pour les musulmans. Et les musulmans ont construit également une petite hutte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il restait, lui et Abu Bakr radiyallahu anhu, et ils planifiaient les stratégies ensemble. Donc il dit: wa masha sallallahu alayhi wa sallam fi mawdi' al-ma'raka wa ja'ala yuriyahum masari'a ru'us al-qawm واحدا واحدا ويقوم هذا مصرع يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وقال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à marcher sur le terrain de bataille, avant que Quraysh arrive. Et il leur a montré les endroits où allaient tomber les têtes parmi les chefs de Quraysh, un à un. Il a dit, cet endroit-ci, c'est ici que va tomber un tel, Inch'Allah. Et ici, un tel, c'est là qu'il va tomber. Et l'autre, il va tomber là. Et il dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit, par Allah, celui qui l'a envoyé avec la vérité, il ne s'est pas trompé pour aucun d'entre ceux qu'il avait indiqués. C'est-à-dire que là où il avait dit, c'est là qu'un tel va tomber, c'est là qu'il est tombé. Et chacun d'entre eux, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, c'est là qu'il est tombé. Dit wa ba'ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilka al-layla yusalli fi jizmi shajaratin hunak wa kanat laylat al-jum'ah al-17 min Ramadan falamma asbaha aqbalat Quraysh وكتائبها في كتائبها قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك نعم ورام حكيم ابن حزام وعتبة ابن ربيعة أن يرجع بقريش فلا يكون قتال فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن استه وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, il était resté en prière. Hein? Il priait devant un arbre qui a été coupé, le reste de comme si le reste le restant d'un arbre qui a été coupé. Il a prié devant ça. Et il dit que cette nuit-là, c'était la nuit du 17 du mois de Ramadan. Il dit que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Lorsque l'aube est arrivée, à l'aube, Quraysh est arrivé. Avec toutes leurs armées, leurs trucs. Allah musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... À ce moment-là, oh Allah, voici Quraysh qui est arrivé avec sa fierté et son orgueil, et elle veut te défier et défier ton messager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'as. Et il y a deux hommes qui ont voulu repartir à ce moment-là. Hakim ibn Hizam et Utba ibn Abi Rabi'a. Eux, ils ont voulu retourner. Et Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Aslam ibn Abdul Uzza. Ça a l'air que c'était le frère de Khadija, Umm al-Mu'minin. Et il était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le messager, et après également, puis il s'est converti le jour de la conquête de la Mecque. Il est mort à Médine par la suite. Donc à ce moment-là, il n'était pas musulman, et il a voulu retourner à la Mecque sans qu'il y ait un combat. De même que Utba ibn Abi Rabi'a, il voulait retourner. Il dit à Quraysh, on retourne, pas besoin de combattre, pas besoin de se battre, on retourne, on arrête. Et Abu Jahl, non, il a refusé. Et ils ont commencé à inciter hein, à dire non, il faut absolument combattre. Et lui, Abu Jahl et Utba, les deux, et ils ont dit il faut venger, hein, Amr ibn al-Hadrami qui a été tué. Hein, il faut venger son sang. Et donc, il a commencé à crier le nom de son frère, ou bien de celui qui a été tué, pour inciter les gens, les chauffer, hein, leur dire « Ouais, il faut venger votre frère qui a été tué par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, ils se sont, comme si pour s'encourager entre eux dans ça, et finalement, ils ont décidé de rester pour combattre. Donc, le cheikh, il dit ensuite « Wa'addala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sufuf, thumma raja'a ila al-arish wa huwa wa Abu Bakr wahdahu, wa qama Sa'd ibn Mu'adh, وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن أبناء عرفاء وعبد الله ابن رواحة فقالوا لهم من أنتم فقالوا من الأنصار فقالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا فبرز لهم علي وعبيدة ابن الحارث وحمزة رضي الله عنهم فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه بضربتين وأجهد كل منهما صاحبه فكر حمزة وعلي فتمم عليه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل طمثا يعني فاسد الجرح حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قومه تعالى هذان خصمان خصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعت بدر بعد ذلك, إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. للشيخ يكسبليك منا le début du combat et comment ça s'est produit. Toutefois, avant de mentionner ça, peut-être qu'il serait bon de mentionner juste un petit point sur les nombres. On a dit que les musulmans, ils étaient à peu près 310 et quelques musulmans, tandis que les mushrikins de Quraysh, ils étaient plus que 1000, hein, 1000 et quelques parmi les mushrikins. Donc, l'armée des mushrikines était beaucoup plus grande que l'armée des musulmans. Parmi les musulmans, il y en a quelques-uns qui ne s'étaient pas présentés ou qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Pourquoi ? Parce que, à la base, comme j'avais expliqué au dernier cours, les musulmans qui ont participé à cette bataille, ils ne savaient pas qu'il y allait avoir une guerre ce jour-là. Ils n'étaient pas partis pour ça non plus. Ils étaient partis uniquement pour intercepter une caravane de commerce. Et donc, ce n'était pas prévu qu'il y ait une bataille. Mais finalement, il y en a eu une. Donc, il y a des raisons pourquoi certains d'entre les sahaba n'étaient pas présents ce jour-là. Parmi eux, par exemple, Uthman, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissé derrière à Médine pour s'occuper de sa femme Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha ibn Ubaidillah et Saïd ibn Zayd radiallahu anhuma, et ils étaient partis pour aller justement espionner une des caravanes de Abi Sufyan en Syrie. Abi Lubaba al-Ansari, c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé comme son responsable en son absence. Il l'a laissé là-bas pour s'occuper de Médine pendant qu'il n'était pas là. Asim ibn Adi al-Ajlani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé à Quba, pour s'occuper de Quba. Abu Umama ibn Tha'laba al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait ordonné de rester avec sa mère parce qu'elle était malade. Donc il y avait plusieurs d'entre les sahaba comme ça, pour des raisons différentes, qui n'ont pas pu assister à cet événement là mais ils avaient tous des excuses, des excuses valables. Lorsqu'est venu le temps de commencer le combat et commencer la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à organiser les rangs des combattants. Puis il est retourné dans la hutte qu'on lui avait fait, lui ainsi qu'Abu Bakr, et ils sont rentrés à l'intérieur, tandis que Sa'd ibn Mu'adh et d'autres parmi les Ansar restaient devant la porte pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba, les deux se sont sortis des rangs, ils sont venus vers l'avant. Ça faisait partie des habitudes des Arabes à l'époque quand ils faisaient la guerre. C'est que avant le combat, ils faisaient qu'est-ce qu'on appelle al-mubaraza ou al-biraz. C'est-à-dire, il y a quelques combattants qui sortaient en avant pour demander un combat un à un avec un autre de l'armée opposant. Donc, ces trois-là, parmi les mouchriquins, sont sortis et ils ont exigé al-mubaraza, al-biraz. Alors, il y a trois parmi les musulmans qui sont sortis. C'est trois parmi les Ansar. Les Ansar, c'est les habitants de Médine. Et les gens de Quraysh, ils ne les connaissent pas nécessairement. Il y avait trois, Auf et Mu'awad, les deux fils de Afra, et Abdullah ibn Rawaha, ibn Rawaha. Donc ça, c'est trois parmi les Ansar qui sont sortis. Alors les mouchriquins de Quraysh, ils ont dit, les trois, ils ont dit, vous êtes qui? Ils ont dit, nous sommes parmi les Ansar. Alors les mouchriquins ont dit, ok, vous êtes des gens nobles et tout, mais nous, on veut des gens de nos cousins qui vont nous affronter là. Vous, on vous connaît pas. Alors il y en a trois autres qui sont sortis parmi les sahaba et qui sont parmi les muhajirin de Quraysh. C'était Ali radiyallahu anhu, Ubayda ibn al-Harith et Hamza radiyallahu anhu. Donc il y a eu des échanges entre ces trois-là. Chacun, ils ont pris une personne. Chacun a affronté un d'entre ces trois mouchriques. Donc Ali, lui, il a affronté qui? Il a affronté Al-Walid ibn Utba. Donc Ali, radiallahu anhu, il a affronté Al-Walid ibn Utba et il l'a tué. Et Hamza, il a affronté Utba ibn Rabi'a et il l'a tué. Et par contre, Ubaïda, il a eu un échange avec, c'était je pense Shayba, puis finalement il a été blessé à la jambe. Et il est mort plus tard, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Mais je ne sais pas s'il a réussi à... Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les deux autres ont réussi à tuer chacun de leurs opposants, ils sont allés aider Ubaïda, puis ils ont achevé celui qui était en train de se battre avec lui. Et ça s'est fini comme ça. Donc, si on veut, on peut dire que les musulmans ont gagné la Mubaraza. Il dit ensuite que il y a un verset dans Surat Al-Hajj, le verset 19, que Ali radiallahu anhu a cité, et il mentionnait ce verset-là comme pour expliquer ou interpréter cet événement-là qui s'était produit ce jour-là. C'est le verset 19 dans Surat Al-Hajj. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود. Donc il expliquait le verset, voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. Il citait ce verset-là comme étant leur Mubaraza le jour de Badr, hein? Et il dit qu'il n'y a pas de doute que c'est une sourate qui était révélée à Mecca, donc elle était révélée avant cet événement là toutefois elle s'applique quand même à cet événement là même si elle a été révélée avant, puisque cet affrontement qu'il y a eu ce jour là elle rentre dans la signification de ce qui est mentionné dans le verset. Naam. Ensuite, le cheikh il dit: ثم حمى الوطيس واشتد القتال ونزل النصر واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تهلك هذه العصابة ولا لا تعبد في الأرض إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. Donc ici le cheikh il explique que la bataille a commencé et les gens ont commencé donc à se battre et la victoire est descendue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup d'efforts dans le fait de faire des doigts et des invocations. Hein? Et il invoquait Allah et il levait ses mains vers Allah pour l'implorer de venir au secours des musulmans, tellement que même en levant ses mains, son vêtement qui était sur ses épaules, il descendait, il tombait. Alors Abu Bakr radiallahu anhu le replaçait pour lui. Et il disait ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas manquer à sa promesse envers toi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah en disant ô Allah, si tu laisses périr ce groupe, tu ne seras plus adoré sur la terre par la suite. Hein? En voulant dire, ce petit nombre de croyants, ce sont eux maintenant qui sont les derniers croyants sur terre. Donc si tu les laisses périr, ça y est, c'est fini après ça. Donc il implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur venir en aide. Et il cite que à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des anges pour supporter les croyants. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Al-Anfal, dans lequel justement Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a fait descendre les anges à ce moment-là. Et donc, on va lire la traduction donc, de ce verset. Il dit « Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. » Donc, c'est pour dire que non seulement bon, ils étaient peu en nombre, mais avec leur foi en Allah et avec la demande d'aide qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé plus que 1000 anges pour yani, les supporter et combattre avec eux. Et yani, ça c'est pour dire que yani, c'est un des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala il supporte les croyants et comment il les aide et comment il leur donne la victoire lorsqu'ils sont sincères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, après avoir fait ses invocations, il a levé sa tête et il a dit « Oh Abu Bakr, réjouis-toi, car voici Jibril qui, hein, voici Jibril qui descend » et ainsi de suite. Donc pour dire que yani, Abu Bakr, il vient, yani, il encourage le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire Allah, il va te répondre à sa promesse, il ne va pas manquer à sa promesse envers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à faire des invocations et il se tourne vers Abu Bakr et lui dit, voici Jibril qui descend, hein, avec yani, d'autres anges. Donc c'est pour dire que yani, la victoire descend. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la victoire. Il dit, « Wa kana shaytanu » قد تبدى لقريش في سورة سراقة ابن مالك ابن جثعم ابن جعشم زعيم مدلج فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهليهم وأموالهم فذلك قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين وكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسره وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو ابن هشام لعنه الله وقتله معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عرفاء وتم عليه عبد الله ابن مسعود واحترز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم وقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا. نعم. donc ici après qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il mentionne le fait que le shaitan était apparu à Quraysh dans l'apparence de Suraqa ibn Malik. Et yani, il était avec eux, il les encourageait donc à combattre jusqu'au moment où il vit les anges descendre, et à ce moment-là, hein, il les a abandonnés, il est parti. Et c'est ce qui est mentionné dans le verset 48 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement cet événement-là. Et quand le diable leur eut embelli leur action et dit: nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et il dit: je vous désavoue, hein, je vois ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les anges, hein, qui descendent. Je crains Allah, et Allah est dur en châtiment. Et donc, c'est pour dire qu'à ce moment-là, donc, il est parti parce qu'il a vu qu'il n'avait pas de chance contre, hein, l'armée qui était devant eux, c'est-à-dire les musulmans ainsi que les anges, qui étaient là. Et donc, les anges ont combattu comme Allah leur avait ordonné, et yani, donc, il mentionne certaines des choses qui s'étaient produites à ce moment-là. Et yani, les mouchriquins, plusieurs d'entre eux ont été tués. Les musulmans ont tué 70 parmi les mouchriquins, et ils en ont pris 70 prisonniers, et ils ont pris également le butin. Le reste se sont enfuis. Et parmi ceux qui ont été tués, il y avait justement ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné la veille, hein, qu'un tel il allait tomber là, et un tel il allait tomber ici, et un tel il allait tomber ici. Et bien, c'est exactement ce qui s'est produit. Et parmi ceux qui sont tombés justement, il y avait Abu Jahl, et il mentionne que ceux qui l'avaient tué, yani, c'était Mu'az ibn Amr et Mu'awwiz ibn Arfa, et que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui l'a achevé. Donc ces deux-là, c'est eux qui ont tué Abu Jahl. Abu Jahl, son nom c'est Abu al-Hakam, sa kunya Abu al-Hakam, et son nom c'était Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, avant, lorsqu'il était à Mecca, il avait fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: oh Allah, raffermis ta religion par un des deux Omar. C'est-à-dire, il y avait Omar ibn al-Khattab et Amr ibn Hisham. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le dua à Allah, et il lui a demandé: oh Allah, renforcez ta religion par un des deux Omar, c'est-à-dire soit Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham. Et finalement, c'est Omar ibn al-Khattab qui est devenu musulman, et l'autre, Abu Jahl, il est resté dans le coffre, hein, et il est mort ce jour-là dans la bataille. Il dit que il a gardé sa tête, il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réjoui ce jour-là de voir ça, parce que c'était un ennemi des musulmans, il détestait l'islam et il a fait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et également parmi ceux qui sont tombés parmi les mouchriquins, les grosses têtes de Quraysh, parmi les kuffars, les plus grands ennemis de l'islam, Utba et Shayba, les deux fils de Rabi'a, et Al-Walid ibn Utba lui aussi, et Umayya ibn Khalaf, la même chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a vu leur corps rassemblé comme ça, puis il leur a parlé, il s'adressait à eux en voulant dire: yani, regardez comme vous avez été des mauvais compagnons ou des mauvaises personnes envers votre prophète, hein? Yani, vous avez été des mauvaises personnes envers votre prophète. Vous m'avez traité de menteur alors que des gens ont cru en moi. Vous m'avez abandonné alors que les gens m'ont défendu. Vous m'avez expulsé alors que des gens m'ont accueilli et m'ont protégé, hein? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à cet endroit-là pendant 3 pendant 3 jours encore après la fin de la bataille. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il est resté sur le terrain là-bas pendant 3 jours. D'accord. Il dit ثم ارتحل بالأسارة والمغانم وقد جعل عليها عبد الله بن أبي بن عمرو النجاري وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم الغنائم وكان كما أمره الله تعالى وأمر بالنضر ابن الحارث فضربت عنقه صبرا يعني ضربت عنقه يعني الصبر يعني نصب الإنسان للقتل يعني قال في النهاية لابن عثير كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا نعم وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله ولما نزل عرق الذبية أمر بعقبة ابن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ماذا يصنع بهم فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر فحللوا لهم ذلك وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 يعني 400 يعني وفي السيرة النبوية لابن كثير قال أبو داود حدثنا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 وهذا أقل ما فودي به أحد منهم من المال يعني أكثر ما فودي به الرجل منهم 400,000 درهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا ومظفرا ومنصورا وقد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة ومن ثم دخل عبد الله ابن أبي ابن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. Donc ici le cheikh explique donc que le prophète صلى الله عليه وسلم est parti par la suite donc avec les butins et avec les prisonniers et il a mis à la charge de ça عبد الله ابن كعب et Abdullah ibn Ka'b ibn Amr al-Najjari. Et Allah a fait descendre à propos de la bataille de Badr, Surat al-Anfal. Donc c'est Surat al-Anfal qui est révélé à propos de la bataille de Badr. Et donc on retrouve dans cette surat beaucoup de versets qui parlent de cette bataille-là. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la vallée de As-Safra, il a distribué le butin comme Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'a été exécuté An-Nadr ibn al-Harith à cause de tout ce qu'il a fait comme mal et comme tort au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa sœur a même écrit يعني فرثته أخته يعني sa sœur a écrit ou bien sa fille a écrit un poème pour pleurer sa mort ou pour comme tristesse par rapport à sa mort. Et c'est un poème qui est très célèbre, qui a été mentionné par Ibn Hisham dans sa sirah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu, on dit qu'il a dit: si je l'avais entendu avant qu'il soit tué, je n'aurais pas ordonné qu'il soit exécuté. Et un autre également, c'est Irq al-Zubya, qui a... Donc quand il est arrivé à Irq al-Zubya, il a ordonné que Uqba ibn Abi Mu'id soit aussi lui aussi exécuté à cause du tort qu'il a fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que par la suite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé le conseil à ses compagnons: qu'est-ce qu'on doit faire avec les prisonniers? Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: il faut les tuer, il faut tuer les prisonniers. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: non, on va les utiliser comme rançon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté l'opinion de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé d'une certaine façon cette position là par la suite. Et la raison de ça, c'est parce que par la suite, il y en a tous ceux que les musulmans ont libérés, et ben ils ont été disons, ils sont revenus pour attaquer encore une fois les musulmans par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il avait supporté l'opinion de Omar ibn al-Khattab à ce moment-là, radiyallahu anhu. Et le verset en question, c'est le verset 67 dans sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu mis les mécréants hors combat sur la terre. Vous voulez le bien d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Et ça, et il y a un hadith dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, qui est très long et qui explique les détails de cet événement-là. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris pour la rançon de chaque prisonnier 400. Il dit ici 400 dirhams. 400 000 dirhams pour chacun des hommes qui étaient prisonniers en rançon. Puis il est retourné à Médine victorieux et triomphant, et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé donc sa parole et il a établi l'islam sur terre. Il a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons et aux musulmans. Et à ce moment-là, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam à Médine. Et même Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était le chef des hypocrites, et son groupe se sont convertis à l'islam par hypocrisie ce jour-là. Parce qu'ils ont vu que l'islam, ça y est, maintenant, on ne peut plus l'affronter. On ne peut plus affronter les musulmans parce que c'est maintenant établi que les musulmans, maintenant, ils ont pris leur place, ils sont forts, ils ont eu une grande victoire contre les mouchriquins. Donc, cette religion-là, elle est supportée maintenant par Allah subhanahu wa ta'ala, et plus rien ne pourra l'arrêter. Donc, ils ont eu peur et ils se sont convertis à l'islam, mais yani nifaqan, yani par hypocrisie. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.